Bonjour. Bonjour madame, je viens pour réparer la photocopieuse. Je vous en prie, entrez. C'est bien gentil de me laisser entrer en vous, enfin chez vous. C'est du beau matériel ça. Vous trouvez? Vous voulez l'essayer? Allez, laisse-toi faire gazelle, il faut que je te remette une cartouche. Avec plaisir, tu veux venir? Bonjour madame, je viens pour réparer la photocopieuse. Ah, mais je vous en prie. Dis donc, ça doit bien tirer une machine comme ça, hein? Je vois dans tes yeux, coquine, que tu as envie que je vienne te débourrer le papier. Pourquoi pas? Vas-y, détends-toi. Tu as une préférence pour le recto ou le verso? Le recto? Allez, mais oui, tu vas aimer, bien sûr. Oh, pardon, monsieur. Je suis le réparateur de la photocopieuse. Je venais pour la réparer. Je vous en prie, entrez. Écoutez, ce n'est pas très grave. Je vais m'en aller de ce pas. Non, mais je vous en prie, restez. En plus, j'ai fait de la purée. Non. Écoutez, monsieur, j'ai du travail. Oh, mais fais pas ta précieuse. Allez, viens, coquinou. Écoutez, votre œil droit lubrique me fait très très peur. Je voudrais m'en aller. Non, reste, allez, reste avec moi. Non, je veux partir. Mais viens, mon cochon, viens. Allez. Arrêtez, monsieur, vous me faites mal. Viens, mais encore, t'as non, rien arrêtez, vu. Aïe. Allez, ah. Viens, viens. En plus, j'ai une photo que plus couleur. Ce soir. Avec tes grosses mains baladeuses et tes outils et ta perceuse, vas-y, bonjour, madame. Ce soir.